Le million de Jules Claresy, première partie, chapitre premier. C'était dans un rayonnement de printemps, un gai mouvement, un bruit joyeux de kermesse. Au soleil de mai, sous les premières feuilles, Paris, cette poignée de Parisiens qui font assez de tapage pour qu'on les croie sur parole, tout Paris. Le Paris des primeurs se précipitait vers les Champs-Élysées pour assister au vernissage. Il était bien convenu depuis des semaines qu'à ce vernissage-là, vernissage discret, secret, à huis clos, il ne devait y avoir personne. Les exposants seuls, des encadreurs sur leurs échelles, les doreurs, les gardiens. Personne, personne. Et l'on s'étouffait dans les salles, on s'y écrasait. Les pieds posés avec peine sur le parquet. Les robes se fripaient dans la poussée sous les renfoncements des coudes. Toilette nouvelle pour ce long chant d'un nouveau genre. Cohue de notabilité, promiscuité de fêtes publiques, bizarrerie des rencontres. Toutes les actrices et toutes les mondaines, la colonie étrangère et les belles filles posant le modèle vêtu ou l'ensemble, les antithèses ironiques, un panthéon de hasard, les gloires, les glorioles et les gloriettes, happé au passage et noté par les reporters. Des familles de peintres mélancoliquement plantées comme échouées, devant le cadre juché au plafond, invisible à l'œil nu, et reçu, accroché là par protection. Des bousculades devant les tableaux dont le succès grossit, grossit de minute en minute. Des compliments jetés par-dessus les têtes, des poignées de main au hasard entre deux épaules, un flot montant comme une mer. De quart d'heure en quart d'heure, plus de poussière encore, plus de foule. Une impossibilité absolue de rien voir, de se diriger même dans cette mare humaine roulant partout, le long des salles, à travers les échelles encore dressées, emplissant tout et allant mourir, comme sur une grève, dans les mornes déversoirs du fond où les immenses machines des peintres qui ont de grands rêves couvrent des pans entiers de murailles. Mais peu à peu, même ces vastes salles étaient pleines, assourdissantes d'un bourdonnement fait de bruit de pas et de voix, poudreuses, asphyxiantes, impossibles. Et alors, gavés de peinture, pris de migraines, écœurés, les premiers arrivés, les plus fatigués ou les plus malins, s'échappaient, courant en hâte vers quelques restaurants voisins, sous les marronniers poudrés à blanc dont le vent printanier agitait doucement les feuilles d'un vert tendre. « Ouf, je mourrai de faim !» dit en s'asseyant à côté de deux dames et deux jeunes filles, un homme de 36 ou 38 ans, mince et nerveux, qui avait salué beaucoup de gens en allant du palais au restaurant en plein air. Les chaises à demi couchées contre la table marquaient la place de toute une société qui allait venir. Sept personnes. Le garçon défendait cette fable depuis un moment, comme un soldat eût disputé une redoute. C'était l'unique table vide. Des rapins, affamés, avaient, tout à l'heure, voulu s'y installer ou casser les chaises. Presque une bataille. En apercevant le groupe de femmes en toilette qui précédait ce monsieur, sans doute un client d'habitude, le garçon avait poussé un soupir de soulagement, celui d'un assiégé qu'on délivre. « Ah, monsieur Ribert, il était temps. Deux minutes de plus, votre table ?» Il montrait des gens. Plantés sur leurs jambes et qui regardaient la nappe blanche, le couvert mis, avec des yeux fauves. « C'est bien, Pierre, » fit M. Ribert avec un sourire qui promettait le gros pourboire. « Ah, vous êtes un débrouillard, vous !»« On fait ce qu'on peut, M. Ribert. » Les deux dames prirent d'abord place à table en face l'une de l'autre, et l'une d'elles, la plus jeune, une jolie brune de 26 ou 27 ans, défaisait son mantelet et le tendait au garçon, tandis que l'autre se glissait à la dernière place, frôlant le mur, tout contre l'armature de la véranda sous laquelle déjeunait une foule. Il y avait, dans l'attitude humble et effacée de cette femme, d'un âge incertain, tout un monde de misères accumulées. Le vêtement, très convenable, était étriqué et pauvre, le geste était timide, quelque institutrice. Rayonnante, jolie et toute jeune, la joue ensoleillée, les deux jeunes filles s'étaient assises sur les chaises clissées, tandis que le garçon faisait, au-dessus de leur tête, jouer les lames de la persienne afin de tamiser les rayons déjà chauds qui tombaient droit sur la table blanche. et toutes deux, l'une blonde, mince, l'air un peu triste, malgré un contentement affecté, l'autre gaie, pimpante, l'œil bleu très franc sous des beaux cheveux roux ondulés, une peau lactée et des lèvres rouges un peu grosses, riaient ensemble de se voir là, dans ce tas bruyant de Parisiens et de Parisiennes, emportés, égayés, comme par une musique de quadrille. « Eh bien, Miss Maud, » dit Ribert à la plus vieille, la pauvre fille à tournure de demoiselle de compagnie, « qu'est-ce que vous dites du vernissage ? Ça ne ressemble pas à l'ouverture de votre Royal Academy, Burlington House. »« Non, » répondait Miss Maud, avec un accent anglais donnant presque du charme à sa voix un peu sèche. « Mais j'avais déjà vu le vernissage, du temps que j'avais l'honneur d'être chez M. Victor Ribert. » Elle cherchait du regard, un regard glauque et profond avec des reflets d'algues marines, son ancienne élève, l'exquise blonde aux traits sérieux dans leur finesse, tandis que la petite rousse, dont les lèvres de carmin éclairaient le visage très gentiment gras, troué de deux yeux clairs, s'écriait « Et vous devez joliment le regretter ce temps-là, maintenant que vous êtes mon institutrice. » Comme si la persienne eût jeté son ombre au front de Miss Maud, le visage de l'anglaise devint plus sérieux encore. Il y avait une mélancolie résignée au fond de ses prunelles. « Oh » fit-elle, essayant de sourire. « Vous n'êtes pas méchante, Raymond. » Raymond avait pris dans sa main gantée de Suède la main de la jeune fille assise à côté d'elle. « Pas méchante, soit, » dit-elle, « mais ma cousine Andrée est bonne, et cela vaut encore mieux. Je parie que vous ne la grondiez jamais. »« Jamais, » répondit Miss Maud, d'un ton correct, de quoi caresse. « Si parfaite que ça, toi, Andrée. »« Voyons, voyons, » fit ennuyée, peut-être, la jeune femme qui ôtait ses gants et les posait sur la table. « Attendons-nous ton père, Raymond ?» La jolie rousse haussa les épaules. « Papa, il n'est exact que pour l'heure de la bourse. Si nous ne déjeunons que quand il sera là, eh bien soit, ne l'attendons pas, » dit Ribert. « Garçon, la truite sauce verte. »« Pourquoi ton père n'est-il pas venu ?» dit alors Raymond à André. « Est-ce qu'il déteste la peinture ?»« Il n'a le temps de rien détester, le cher cousin, » répondit Ribert pour la jeune fille qui ne répondait pas. « Mais tu crois, toi, ma petite Raymonde, qu'on n'a qu'à s'amuser en ce monde ? Guillemard est riche, et tu es l'enfant gâté. Fille unique, pas de mère. »« Ni de belle-mère, » dit en riant la jeune femme, dont le visage resplendissait dans la lumière sous ses cheveux bruns. Ribert la regarda d'un air d'amitié vraie. « Oh, vous, ma chère Geneviève, Andrée aurait grand tort de vous considérer comme une belle-mère. Vous aimez ma bonne et jolie cousine comme si elle était votre enfant. » « Votre petite sœur, ce que vous voudrez. » Il ajouta, riant franchement, « Quand je pense pourtant que j'ai conseillé à mon cousin Victor de ne pas vous épouser. »« C'est vrai, étais-je bête ?» Madame Geneviève Ribert semblait tout à coup devenue pensive. Victor aurait peut-être mieux fait de ne pas se marier. C'était bien assez peut-être d'avoir sa fille à doter. « Allons donc, » dit à sa belle-mère Andrée avec une douceur profonde, « Papa n'est heureux que par vous. » « Et je n'en suis pas jalouse, allez !»« Oui, mais, » fit Geneviève, « il travaille trop. »« N'est-ce pas ?» soupira André. Le cousin Ribert n'écoutait plus. Il appelait le garçon, effaré maintenant par la bousculade des visiteurs du salon qui se précipitaient vers le restaurant, effarés, poudreux, leur livret de l'année sous le bras. « Eh bien, et cette truite sauce verte ?»« À l'instant, monsieur, la voilà là-bas, on est à vous. » Et tandis que, cassant les petits pains dorés, grignotant les radis ou le pain beurré pour patienter, Raymond et Geneviève commençaient à déjeuner à côté de Miss Maud, impassible, et d'Andrée, devenue songeuse, Ribert, qui était peintre, regardait ce tableau bizarre qu'il s'amusait à voir tous les ans et qui, tous les ans, lui semblait nouveau. Le restaurant était plein, envahi, pris d'assaut comme le salon. Par les interstices de lamelles de feu qui couvraient la véranda comme d'un store, des percées de lumière tombaient sur les nappes, sur le parquet sablé de jaune, sur tous les plats. Et ces bouteilles multicolores, l'or des chartreuses, le verre des eaux minérales, les bouquets de radis, les gants de Suède posés là, sur les coins de table, tout cela amusait Ribert comme une alerte pochade, en plein air. Fouillis de mouvements et de couleurs, brouhaha grossissant de voix et de rires. les garçons poussaient devant eux des roast-beef énormes, des truites à demi découpées, flanquées d'une saucière d'argent, et de table en table, les truites roses diminuées, débitées en hâte dans les assiettes, avec la légendaire sauce verte, verte d'un vert pâle, qui, tout près de Ribert, faisait crier un rapin par-dessus les rires. De la chair de chapelain dans une prairie de chintreuil. Et dans ce guet-apage d'un matin de mai, de tous côtés, le soleil du printemps entrait, par les stores, par la guipure des lilas et des rhododendrons du dehors, criblant à travers les branchettes et les feuilles frémissant sous un vent léger, les groupes assis autour des tables et les familles éperdues, debout, devant les places occupées, attendant un vide, un trou, une table, une chaise, dans ce grand mangeoir gargantuesque, avec les mines allongées de jeunes heures assistant au pillage d'un buffet, à un déjeuner de gamache, où l'air navré de naufragés songeant à se dévorer entre eux. Les figurants de la Méduse, songeait Ribert, qui avait faim aussi et attendait la truite. Les bouchons sautaient, fêtes au succès nouveau. Avec le mouette ou le Saint-Marceau, gaiement, on arrosait les médailles futures. Ribert ne savait trop si c'était ce diable de soleil, ou le bruit de tout ce monde, mais il se sentait presque grisé sans avoir rien pris. Oui, c'était le soleil. Des rayons partout, comme à poignée. Sur les chapeaux d'hommes, accrochés, çà et là, à la frise des patères blanches et jusqu'au bec de gaz. Sur les ombrelles blanches, rouges ou d'un jaune écru, posées à côté. Sur les taches noires des redingotes et les plumes des chapeaux rembrandts ou les fleurs des toquets. Sur tout ce qui était la joie des yeux dans ce restaurant où le high life coudoyait la bohème, avec des flambées de lumière traversant la légère fumée des cigares qui montaient au-dessus des têtes comme une haleine bleue. Et des journaux dépliés, lus tout haut, commentés, raillés, passés de main en main, froissés fiévreusement, jetés à terre. Les livrets lilas, feuilletés, annotés déjà, marqués de coups de crayon ou de coups d'ongle. Des poussées de coudes lorsqu'entre la double rangée de tables tapageuses apparaissaient quelques visages connus, cherchant dans cette foule une figure amie, une place réservée. Et des noms glorieux chuchotés alors tout bas. Des yeux avides levés sur l'homme célèbre ou la femme connue qui passait, apparaissait, disparaissait. Comme Ribert se fût diverti s'il eût été servi. « Eh bien, Pierre, voyons, est-ce pour demain ?» Et le défilé continuait. Un beau garçon à tête d'andalou, la moustache en croc, boutonné comme un raffiné, brun comme un cavalier de Velasquez, se montrait, tête haute, et tendait çà et là sa main gantée en passant. Un homme grisonnant déjà, l'air timide, carré des épaules, semblait embarrassé de tous ces regards qu'allaient à lui, comme à une gloire. « Qu'aurais-je en Alsace ?» disait quelqu'un. Un autre, maigre, l'œil vif, l'air d'un Arnaute, regardait cette foule et s'enfuyait, comme partant pour un voyage. Des jeunes gens riaient en apercevant là-bas le profil de quelques professeurs de l'Institut. « au feu, voilà un pompier !» On se montrait une jeune femme, le teint olivâtre, l'œil doux d'une figurine indienne, arrivant là avec quelques gaies comédiennes du théâtre français dont elle exposait le portrait allègrement peint. Et l'autre, l'encyclopédie du charme et de la réclame, où était-elle? En voyage, au diable, au bout du monde, peut-être en l'air, est-ce qu'on savait? Deux peintres de bataille, l'un alerte comme un hussard de France, l'autre correct comme un gentleman anglais, passaient à leur tour et se perdaient dans cette foule. Et puis, les critiques influents, après les artistes acclamés. Une cohue de célébrité, une purée de gloire, songeait Ribert, qui réclamait toujours sa truite sauce verte. Les jeunes filles, ses cousines, s'en souciaient bien. Elles regardaient aussi et s'amusaient, même André, de cet allègre coin de restaurant si parisien, et du bruit montant des causeries dans de gais rayons clairs et de la mousse de champagne. Au loin, Miss Maud, l'œil pâle, à demi perdu dans une contemplation vague, se détournait de tout ce monde pour regarder, hors du restaurant, au loin, une fontaine dont l'eau riait sous le ciel lavé, près des marronniers dont les fleurs blanches semblaient plus blanches dans le soleil. Alors, la taquinant, Louis Ribert lui demandait « Voyons, à quoi rêvez-vous, Ophélie ?» Il s'amusait à la railler, lui disant gaiement « Miss Maud, vous savez, je vous ferai votre portrait un jour, et je l'exposerai au salon. Et je mettrai dans le livret des vers de Tennyson, et j'expliquerai que vous êtes une épave de la passion jetée à Paris par la libre Angleterre. » Miss Maud, avec sa belle figure régulière, le profil romain qu'ont souvent les Anglaises, roulait aussitôt, effarée, des yeux d'un vert de mer sous de jolis cheveux épais, blonds encore, mais déjà striés de blanc avant l'âge. Elle avait dû être jolie, jolie à faire retourner les gens lorsqu'elle promenait à Rotten Row. Il y avait des années, son fin visage de keepsake. Elle était rose en ce temps-là, elle était diaphane. Elle avait de gais éclairs dans ses yeux à reflets de vagues, et ses lèvres, maintenant closes, où de petites rides semblaient les coutures qui les tenaient presque muettes, ses jolies lèvres avaient alors de gais éclats de rire. « N'est-ce pas, voyons, avouez-le. Vous avez dû avoir quelques grands chagrins d'amour, Miss Maud. » lui répétait souvent chez Guillemard, Loïc Ribert, qui s'amusait toujours à la harceler et faisait sourire Raymonde. Miss Maud Barker secouait ses cheveux qui semblaient poudrés. « Allons, Miss Maud, racontez-nous ça. Voyons, votre roman, s'il vous plaît, Miss Maud. Pour Raymonde, Miss Maud, je vous en prie. Je n'aime pas les romans anglais. On y boit trop de thé et on y fait trop de tartines de beurre, mais je parie que j'aimerais le vôtre. » Elle demeurait silencieuse ces soirs-là. Il la poussait encore, plaisantait, essayait de rire, jusqu'au moment où Miss Maud se levait et disparaissait, emportant sa broderie, son carré de guipure ou son livre en disant « Décidément, monsieur Louis, vous êtes un homme abominable. » D'autres fois, elle ne disait rien, et Louis se sentait un peu gêné en voyant de grosses larmes qui montaient aux yeux verts de l'Anglaise. Jamais ses larmes ne tombaient. Miss Maud les écrasait sous ses paupières comme si pleurer était une honte. Alors le peintre, doucement, « Vous savez, Miss Maud, mes plaisanteries à moi, ça ne tire pas à conséquence. Riez-en, allez, et moquez-vous-en, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Et si je vous ai blessé, je vous en demande pardon. Quitte à recommencer, ma chère Miss Maud, les pardons qu'on réclame ne servent jamais qu'à vous engager à renouveler les fautes pardonnées. »